إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 41 aujourd'hui dans l'explication d'Al-Usul al-Thalatha, le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah, qui s'intitule Tariq al-Usul ila idahi thalathati al-Usul. Et on est arrivé à l'endroit donc où Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique le deuxième degré de la religion, c'est-à-dire le deuxième degré de la religion dans le deuxième fondement. C'est Al-Iman. C'est Al-Iman, le degré de la foi. Et on a expliqué au dernier cours la définition de la foi selon différents groupes qui ont dévié de la voie d'Ahl Sunnah wal-Jama'a. Puis on a expliqué la position d'Ahl Sunnah wal-Jama'a par rapport à la foi, qu'est-ce que ça signifie. Hein? Et le frère Fofana, il a beaucoup apprécié. Donc, Alhamdulillah, on espère qu'il va apprécier aujourd'hui aussi. Inch'Allah. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit wa huwa bid'un wa sab'un shu'bah fa'alaha qawl la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. C'est-à-dire que le témoignage de c'est-à-dire que la foi elle est composée de 27 et quelques branches. 27 elle est composée de 20 et pardon. Subhanallah. Ok, donc le cheikh il dit que la foi elle est composée de 70 et quelques branches. Je me suis trompé. Donc elle est composée de 70 et quelques branches. La plus haute d'entre ces branches, c'est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse d'entre ces branches, c'est d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin ou qui dérange sur le chemin. Ok, ça c'est la plus basse des branches. Le cheikh il explique maintenant, cheikh Zayd, hafizahullah, il explique. Il dit wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Al-bid'u huwa min al-thalatha ila al-tis'a. Donc le mot, quand on dit bid'un wa sab'un, bid'un, ça veut dire de 3 à 7. Quand c'est quelque chose d'un nombre de 3 jusqu'à 7, on peut dire bid'un. Ça veut dire 70 et quelques branches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié, elle a dit bid'un. Ça veut dire ça peut être de 73 à 79, puisque c'est de 3 à 9. Donc soit c'est 73, 74, 75, 76, 77, 78 ou 79. Donc c'est 70 et quelques. Hein? Et le cheikh dit ensuite wa anna hadhihi shu'ab li kulli minha ma'nan min al-ma'ani. Chacune de ces branches parmi les branches de la foi, chacune d'entre ces branches a une signification parmi les significations. Wa madlulun min al-madlulat al-shar'iyyah, et elle a une indication parmi les choses qui sont indiquées dans la charia. Wa anna laha a'la wa laha adna. Donc elle a un et ces branches, il y en a parmi elles qui sont les plus hautes et il y en a qui sont plus basses. Wa lima kanat kalimat la ilaha illallah asdaqul aqwal, wa lima kanat kalimat la ilaha illallah أصدق الأقوال وأزكى الأعمال الظاهرة والباطنة قال فأعلاها قول لا إله إلا الله بما تحمل هذه الكلمة العظيمة من معنى. Donc le cheikh explique que étant donné que la parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, que ça c'est la parole des plus véridiques et la plus pure de toutes les œuvres apparentes et cachées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que la meilleure parole, la plus haute, c'est la ilaha illallah. Parce que cette parole de la ilaha illallah, elle contient des significations immenses et des grandes significations. Et donc c'est pour ça que c'est la plus haute, parce que c'est la plus importante et la plus grande des paroles qu'on peut dire dans l'islam. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مما يدل على أن بين الأعلى والأدنى شعبا متعددة متنوعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبذل النصيحة وعمل الخير على اختلاف أنواعه وشتى طرقه حتى إن من جملة الأعمال الزكية التي تعتبر من شعب الإيمان أن تميط عن الطريق أذى لتساهم في دفع الأذى عن إخوانك المسلمين ولتبرهم أنك يعني أنك تهتم بشأنهم. نعم. Donc le cheikh explique, Cheikh Zayd, il explique que la plus basse de ces branches, c'est d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin, et ça indique que entre la plus haute et la plus basse des branches, il y a différentes branches, multiples branches, comme la branche de la salat, de la zakat, du jeûne, du hajj, du jihad, de l'ordonnance du bien, de l'interdiction du mal, de la da'wa à Allah, du fait de donner le bon conseil, de faire des actes de bien, selon les différentes sortes et les différentes formes et les différents moyens. Tout ça, c'est des différentes branches, parmi les branches du bien et les branches de la foi. Donc, parmi les différentes actions de bien que tu peux faire, et qui sont considérées parmi les différentes branches, il y a le fait d'enlever quelque chose qui est sur le chemin des musulmans et qui leur cause de la nuisance ou qui les dérange. Bon, c'est sûr que c'est pas seulement les musulmans, c'est les musulmans en premier, mais également pour les non-musulmans, que quelque chose qui est nuisible sur le chemin, tu l'enlèves. Et le cheikh il dit donc c'est ça, donc tu enlèves quelque chose du chemin qui peut leur faire du tort, qui peut faire du tort à tes frères musulmans, parce que c'est ça que le cheikh il a dit ici, qui peut faire du tort et qui dérange et qui offense tes frères musulmans, donc tu l'enlèves. Ça peut être différentes choses selon le contexte, bien sûr. Si tu es dans un pays musulman, comme le cheikh il est dans un pays musulman, il n'y a que des musulmans, donc il va enlever quelque chose du chemin, ça veut dire pour les musulmans. Mais si tu es dans un pays non musulman, tu enlèves quelque chose du chemin, c'est un bien aussi. D'accord? Regarde, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique comme par exemple le fait d'enlever, comme c'est mentionné dans le hadith, d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une branche d'arbre qui empêche les gens de passer, ça peut être de la vitre, une bouteille cassée ou quelque chose qui peut blesser les gens, ça peut être même des fois des saletés, des choses, des poubelles, des choses qui sont sales. Le chemin devrait être clair et propre et nettoyé de toutes mauvaises choses, et en même temps aussi nettoyé de toutes choses qui peuvent embarrasser les gens sur leur chemin. Donc le musulman il doit être propre. Et des fois tu vois qu'il y a des gens, malheureusement, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, ils ne donnent pas d'importance à la propreté ou au fait de respecter, par exemple, l'hygiène et l'ordre. Donc, par exemple, ils vont prendre des déchets et je jette par terre. Ils finissent de boire une bouteille ou quelque chose, au lieu de le mettre dans une poubelle ou dans un endroit spécial, il le jette par terre. Et je me rappelle une fois même, subhanallah, j'ai vu un exemple de ça. On était à la mosquée, juste près à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une femme musulmane, elle a pris un restant de canette qui lui restait de Coca-Cola ou quelque chose comme ça, Pepsi ou quoi, et elle l'a pris et elle l'a jeté par terre. Elle n'était même pas finie, la bouteille, la canette. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, ça c'est quelque chose qui peut pas se faire, yani. C'est quelque chose qui est incorrect. Et le pire, quand quelqu'un voit celui qui est chargé de nettoyer, qui travaille, c'est un employé, il travaille pour nettoyer la rue, enlever les saletés dans la rue. Par exemple, tu dis, bah, c'est pas grave si je le jette par terre parce que lui, il est payé pour nettoyer la rue. Subhanallah. Hein? Donc, une fois même, j'ai vu quelqu'un qui a jeté ses déchets directement par terre devant l'employé de la ville là, qui nettoie le plancher ou qui nettoie le sol dehors. Oui, mais quand même, tu vois, c'est comme la poubelle est là, toi, au lieu de le mettre dans la poubelle, tu jettes devant le... Exactement. Et ça, des fois, c'est comme si en même temps, les gens, ils voient ces employés-là, ils oublient que c'est des musulmans comme eux. Et ils oublient que c'est nos frères, c'est un de nos frères. Donc, c'est pas juste un employé parmi les employés qui fait un travail comme ça. C'est ton frère musulman qui fait ce travail-là. Donc, tu prends ce déchet, tu le jettes devant lui comme ça. C'est, non seulement c'est un manque de respect, c'est impoli, mais en même temps, c'est sale. Hein, c'est pas bien bien élevé d'agir de cette façon là hein. Donc le musulman, il doit avoir le respect, même si c'était un esclave. Tu vas pas lui donner une charge de plus pour rien, hein. Mais lui, c'est pas un esclave, c'est un employé, un homme libre. Il travaille pour un salaire et toi tu agis comme ça avec lui. Donc ça c'est la conscience. Des fois les gens, ils doivent prendre le temps de réfléchir à ces choses là mais des fois malheureusement ils restent pris dans le quotidien, dans la façon dont les choses se font, hein, puis on perd le contact avec on perd le lien avec nos enseignements, les principes de la religion, et on agit de façon parfois machinale ou bien habituelle, sans réfléchir. Donc ce genre de petites choses, ça paraît rien, mais c'est très très important et ça fait partie de la foi, ça fait partie de la religion. Hein? Donc peut-être pour des koufars, ici par exemple, on n'est pas dans un pays musulman, les gens, eux, ils donnent de l'importance à ce genre de choses parfois, c'est pas tous, mais certains d'entre eux. Dans certains pays koufars, Yannick, j'ai entendu parler une fois à la radio que dans des pays comme par exemple Singapour, ils donnent des amendes très élevées pour des gens qui jettent des déchets par exemple par terre dans la rue. Hein? Et donc, même ici, des fois, ça peut arriver, mais ils l'appliquent pas tout le temps. Mais c'est pour dire que eux, ces koufars-là, ils font ça pour la dunya. Et pour eux, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais pour le musulman, non. Pour le musulman, il fait ça, ça a rapport directement avec sa foi et sa religion. C'est-à-dire, s'il fait ce genre de choses, c'est parce qu'il sait que ça fait partie de la foi et que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour enlever les choses qui empêchent les gens de passer, ou bien des choses sales, ou des choses qui nuisent sur le chemin. Il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça a rapport direct avec sa foi et sa religion. Donc ça, c'est un point en passant que je voulais mentionner, en plus de ce que le cheikh a clarifié à ce sujet-là. Donc ça montre, comme le cheikh il dit, ça montre que tu as de l'intérêt. Hein? Que tu as de l'intérêt pour les affaires qui ont rapport avec les musulmans et leur bien-être. Hein, tu veux le bien-être de tes frères et sœurs en islam, et même parfois des koufars, yani, si y a quelque chose qui leur nuit sur leur chemin, tu peux l'enlever et ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Et en même temps, eux, ils vont voir que les musulmans font du bien. Yani, ça, c'est arrivé, par exemple, souvent. Quand tu vas voir, par exemple, il y a des musulmans, tu vas entendre parfois, ils vont donner comme exemple, oh, l'islam c'est le bon comportement, l'islam c'est la façon d'agir avec les gens, hein, ad-din mu'amala, les gens qui disent ad-din mu'amala, c'est-à-dire la religion c'est comment tu agis avec les gens, et il mentionne ça comme exemple, pourquoi, pour dénigrer la pratique des applications des différents aspects de la sunna, comme par exemple de laisser la barbe, de porter des vêtements qui te distinguent des koufars et des mushrikines, ou des choses de ce genre. Donc eux ils vont dire ad-din mu'amala, en voulant dire la religion c'est comment tu agis avec les gens, c'est pas important qu'est-ce que tu portes, comment tu reçois, d'à quoi t'as l'air, mais ça c'est pas nécessairement vrai, tu vois, parce que ça a son importance, et le fait d'agir bien avec les gens a son importance aussi, mais les deux ont leur importance. Mais par exemple, si tu vas voir par exemple un musulman qui a la barbe, qui a le qamis par exemple, et qui marche dans la rue, les koufars le regardent, aussitôt qu'ils le voient, ils savent que c'est un musulman, parce qu'il ressemble à un musulman dans sa façon de s'habiller, dans son apparence extérieure, hein? Même des fois par exemple tu vas voir un Québécois converti à l'islam par exemple, qui est de père et mère québécoise, qui est né ici, qui est converti à l'islam, mais parce qu'il s'est laissé la barbe, qu'il porte, hein, des signes, des vêtements qui montrent que c'est un musulman, ou quelque chose qui montre que c'est un musulman, automatiquement les gens l'associent à l'islam. Ils vont dire, lui c'est un musulman. Hein? Et même parmi les frères qui sont haïtiens ou même d'autres pays, hein, comme par exemple Salman, il n'est pas arabe, il n'est pas d'origine d'un pays où les gens sont musulmans. Mais quand les gens le voient dehors dans la rue, tout de suite, ils vont savoir que c'est un musulman. Par rapport à la façon comment il s'habille. Même s'il peut passer pour un arabe, oui. C'est vrai. J'ai vu des Saoudiens qui lui ressemblent, déjà. Même pas. Il y en a foncés, il y en a des pâles. Il y a de toutes les couleurs. Mais c'est juste pour dire que si, par exemple, Salman ou n'importe quel frère, il est dans la rue, il y a quelque chose qui est par terre, par exemple, qui est dangereux ou qui fait du tort aux gens, que les koufars, ils le voient en train de ramasser puis de l'enlever du chemin, hein, ça, les koufars, ils vont pas l'oublier. Quand ils vont voir cet exemple-là, ils vont s'en souvenir. Mais si la personne est habillée comme eux, puis qu'il n'a aucun signe extérieur apparent qui montre que c'est un musulman, tu dis ad-din mu'amala, la religion c'est le bon comportement. Oui, mais personne connaît ton din quand il te voit, parce que tu n'as pas l'air d'un musulman. Tu as l'air d'un juif ou d'un chrétien ou de n'importe qui dans la rue, d'un athée. Donc à quoi ça sert de dire ad-din mu'amala si on ne peut pas savoir ton din, hein? Donc ça c'est un point. Exactement. La façon dont tu t'habilles, la façon dont ton apparence extérieure, elle est aussi importante que ton intérieur et que tes actions aussi, hein? Tout le tout va ensemble. Et c'est pas pour dénigrer l'intérieur par rapport à l'extérieur ou l'extérieur par rapport à l'intérieur, les deux vont ensemble, hein? Et les deux on doit travailler dessus. Donc dans ta da'wa, dans tes gestes, dans tes actions, c'est vrai, tu fais ta da'wa. Une femme qui est voilée, qui a son jilbab, qui est voilé islamiquement, puis qui fait une bonne action en public devant les koufars, elle aide quelqu'un à porter un sac, ou à soulever quelque chose, ou à ramasser quelque chose, ou à laisser sa place à une personne âgée, ou des choses comme ça, ça peut avoir un bon impact, parce que les gens voient ça, ils vont dire, ah, regardez ces gens-là, comment ils agissent bien. Et le contraire, c'est la même chose. Si un musulman est habillé comme... Un musulman qui est habillé selon les principes de la religion et qui a une apparence de quelqu'un qui est musulman et qui fait des bêtises dans la rue, hein, qui agit n'importe comment, qui insulte les gens, qui fait du mal, qui fait du tort, ça aussi ça fait une mauvaise image à l'islam. Et après les gens vont dire, ah ben regardez ces gens là ils se disent musulmans mais regarde comment ils agissent mal, donc ça c'est mauvais, hein. Donc ça c'est dans les deux sens, tu vois. Mais sauf que quand tu t'habilles et que tu te représentes comme un musulman en public, tu vas rester plus conscient du fait que tu es musulman devant ces gens-là justement, et tu vas faire plus attention à ce que tu fais en public justement par rapport au fait que tu sais que tu représentes quelque chose de plus grand que toi-même, et que tu dis bon, à cause de ça je dois faire attention à la façon dont je me comporte. Tu restes plus conscient de ça, tu vas pas agir n'importe comment. Mais, exactement, mais déjà par l'accoutrement, mais déjà en partant, les manifestations, les marches et toutes ces choses-là déjà sont interdites en islam et sont contraires à l'enseignement du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs. Donc déjà en partant, tu n'es pas supposé d'être là par rapport au fait que c'est interdit dans l'islam, mais en plus si tu es là-bas et que tu portes des vêtements qui montrent un lien avec la religion musulmane, eh bien là tu portes préjudice à l'islam, tu agis mal en agissant ainsi. Exactement, tout ce qui passait en Égypte et ailleurs, les ulama ils ont parlé de ça, ils ont clarifié ces choses-là, ils ont dit que tout ça c'est pas permis. Donc après le cheikh il dit wal haya shu'batun min al iman. Là le cheikh il va expliquer beaucoup de choses maintenant. C'est dans le point précédent, le point suivant. Il dit le cheikh wal haya shu'batun min al iman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pudeur, la timidité, la gêne. Ça c'est une branche parmi les branches de la foi. C'est une branche parmi les branches de la foi. Donc al haya c'est une forme de ibad aussi, c'est une sorte d'adoration. La pudeur, la timidité, la gêne, c'est des choses qui sont glorifiées et louées en islam. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Le cheikh il dit al-haya wal murad bihi al-haya al-shar'i wa laysa al-murad bihi alladhi yajurru ila al-hirman min al-ilmi wal-khayr wa innama huwa al-haya al-shar'i alladhi kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yattasifu bihi wa huwa al-istihya' min muwajahati an-nas bil-sharr wa al-istihya' aydan mimma la yuhibbu al-insan an yadhhar alayhi aw yuzhir alayhi ghayruhu an yuzhir alayhi ghayruhu. Na'am. Donc le cheikh explique qu'on parle de la timidité, la pudeur, celle qui est en accord avec la charia. C'est-à-dire, on ne veut pas dire la gêne ou la timidité qui va t'amener à être privé de la science ou être privé du bien. Comme par exemple, tu dis « Ah non, je ne veux pas poser la question sur la religion parce que je suis gêné. » Je suis gêné, je suis timide de demander au cheikh. C'est un sujet embêtant ou gênant. Je ne veux pas poser la question. Ali, radiallahu anhu, il était marié avec la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une de ses filles qui s'appelait Fatima, radiallahu anha, wa anhum ajma'in. Donc, il a une position par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est particulière. Déjà, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il est marié avec sa fille. Donc, il avait un jour, il avait une question à poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de quelque chose qui a rapport avec quelque chose d'intime. Le fait que l'homme, lorsqu'il a des rapports avec sa femme, ou bien qu'il joue avec sa femme, ça, et quand il a une excitation ou quelque chose comme ça, il se peut que il sorte de ses organes génitaux un genre de liquide qui sort qu'on appelle en arabe al-madhi. Al-madhi, c'est la couleur comme de l'eau, mais c'est comme élastique, pas élastique, mais c'est un peu comme des fois il y a qu'est-ce qui sort de ton nez, mais c'est comme de l'eau, mais c'est un peu collant, ok, comme le mucus ou du nez, mais collant. Bon, ça a un peu cette forme là, mais c'est un peu différent. Oui, c'est le liquide qui sort avant les rapports avant les rapports sexuels, lors de l'excitation. Des fois, quelqu'un peut l'avoir sans même avoir aucun rapport, juste le fait de jouer avec sa femme, embrasser sa femme, des choses comme ça, et puis ça sort de lui. Eh bien, Ali radiallahu anhu, il était quelqu'un qui avait beaucoup de madhi. Et dans le hadith, ça dit il a dit à propos de lui-même, il a dit kuntu rajulan madhaan. Madhaan, c'est-à-dire il a beaucoup de madhi. C'est la substance qui sort là, dont je te parle, oui. Donc, il voulait poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il doit faire lorsque cette substance-là sort de lui, ce liquide-là sort de lui. Mais, étant donné qu'il est le mari de sa fille, il est un peu timide. Il est gêné d'aller le voir pour lui parler de cette chose-là. Mais, est-ce que ça veut dire qu'Ali, radiallahu anhu, il va rester ignorant, il ne va pas poser la question? Non, il a trouvé un autre moyen pour poser la question sans que, justement, il rentre dans une embarras ou dans une situation embarrassante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un autre sahabi d'aller poser la question pour lui. Alors, il lui a expliqué, voici, j'ai ce problème. Est-ce que tu peux aller voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui poser la question pour moi? Et c'est ce qu'il a fait. Et il lui a dit, si tu as du madhi qui sort de toi, alors dans ce cas-là, tu fais seulement laver tes parties, et puis tu fais ton wudu normal pour la salat. Pas besoin de faire plus que ça. Ouais, tu peux essuyer ton vêtement s'il y en a un peu, même tu peux juste asperger avec un peu d'eau, ça suffit. C'est pas comme si tu as une éjaculation ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que dans la religion, il n'y a pas de gêne. Et même si dans des cas où il y a une raison d'être gêné, mais il y a toujours un moyen quand même de passer pour obtenir l'information ou la connaissance nécessaire par rapport à la religion. Ça veut dire que ta gêne ne doit pas t'empêcher d'apprendre ton obligation envers ton créateur et ta religion, comment tu dois l'appliquer. Aussi, il y a des exemples comme ça, lorsque les femmes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions par rapport aux règles, aux menstruations, ou des choses comme ça. Elles ont posé les questions et elles ont demandé des détails au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, lorsqu'elle se purifie, elle passe un coton ou quelque chose avec du parfum dessus ou quelque chose. Et lorsque les femmes ont entendu ça, elles ont dit, mais comment elle passe ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est gêné, il est timide, ça fait partie de ses caractéristiques. Donc, il dit, subhanallah, elle passe ça. Et là, Aïcha radiallahu anha a expliqué aux femmes qu'est-ce que ça voulait dire. Et Aïcha radiallahu anha a dit, par rapport à ces femmes-là, pour montrer le bien qu'elles avaient, elle dit, Mashallah, ces femmes, en voulant dire ces femmes-là, leur timidité ne leur empêche pas d'apprendre leur religion. Donc ça veut dire, les ulama, ils ont dit, la haya'a fil din. Il n'y a pas de pudeur dans la religion, dans le sens que ça ne doit pas t'empêcher d'apprendre ta religion. Et même qu'il y a des salafs qui ont dit qu'il y a deux choses qui empêchent quelqu'un d'apprendre sa religion, soit la timidité ou l'arrogance, la fierté. Celui qui est arrogant et fier, il se voit haut, il ne veut pas se rabaisser en posant la question à un savant, donc à cause de ça, il n'apprend pas. Et celui qui est timide, au point qu'il ne veut pas demander. Ça, ce n'est pas la timidité qui est légiférée par l'islam. Ce n'est pas de cette timidité-là dont on parle dans qu'est-ce qui fait partie de la foi. Aussi, en même temps, il ne faut pas confondre entre la timidité et la lâcheté. Parce qu'il y en a des gens, ils sont lâches, ils sont peureux. Ils ont peur de prendre une position de vérité lorsque c'est nécessaire. Pour clarifier la vérité aux gens, pour réfuter le faux, pour répondre aux kuffars ou aux mushrikines, aux gens de bid'a, aux gens de l'égarement, tu leur dis qu'est-ce que Allah a dit. Il y en a qui disent, moi je suis timide, je veux pas parler, je veux pas dire ça. Ça c'est pas de la timidité, ça c'est de la lâcheté ou bien de la peur. Donc ça c'est pas la même chose. Faut pas confondre. L'islam au contraire encourage les croyants à être courageux et à être fort dans sa foi, quand, surtout quand c'est le temps de défendre la vérité et d'expliquer aux gens la vérité. Donc le cheikh il explique aussi, il dit que la timidité et la pudeur qui est shar'i, qui est en accord avec l'islam, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme caractéristique. Hein? C'est-à-dire de ne pas vouloir être devant les gens, que les gens ne nous voient pas en train de faire du mal. C'est-à-dire t'es gêné d'être en face des gens en train de faire du mal. Ça, c'est la timidité dont on parle, la pudeur dont on parle. والاستحياء ايضا مما لا يحب الانسان ان يظهر عليه غيره. Donc c'est-à-dire les choses que tu n'aimerais pas que les gens sachent à ton sujet. Hein? Les choses que tu n'aimerais pas que les gens sachent à ton sujet, donc tu le montres pas. C'est ça la timidité dont on parle, de pas laisser paraître des caractéristiques ou des actes ou des paroles qui sont blâmables ou qui sont mauvaises, que tu n'aimerais pas que les gens voient ou sachent à ton sujet. Ça, c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam. Ça, c'est, tu dois cacher ces choses-là. Tu dois être gêné de ces choses-là parce que c'est mal. Hein? Et donc, la femme musulmane, par exemple, parmi les caractéristiques de sa foi, c'est qu'elle est timide. Elle veut pas montrer les parties de son corps. Ou les formes de son corps à des hommes quand elle sort dehors. Hein? Donc ça fait partie de la foi chez elle. La femme qui n'a pas de honte, qui n'est pas timide, qui n'est pas pudique, qui ne ressent pas cette gêne-là en elle-même de montrer son corps, ou même un homme, de montrer les parties de son corps qui sont aura ou bien qui font partie de ce qu'on doit couvrir, s'il n'a pas cette gêne, il y a un problème dans sa foi. Hein? Sa foi, elle n'est pas complète. Le cheikh il dit wa a'zam al-istihya shar'i huwa al-istihya min Allah tabaraka wa ta'ala wa al-istihya min Allah yajurru ila khayr al-a'mal wa askaha kama yajurru aydan ila al-ibti'ad 'an ma'asi Allah allati tuskhituhu kama yajurru aydan ila tadhakkur al-maut wa ma ba'da al-maut min al-jaza'i على الأعمال في دار البرزخ ودار الآخرة وهو الاستحياء الشرعي وهو من الإيمان ولا شك. Donc également parmi les plus grandes formes de haya, les plus grandes formes de timidité et de gêne qui est en accord avec la sharia, c'est le fait d'être gêné et d'être timide par rapport à Allah. T'es gêné d'Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire être gêné d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire que yani, tu es gêné d'être, en fait le cheikh il n'a pas expliqué ici, mais je vous le dis quand même de, par rapport à ce que les ulama ont expliqué, c'est d'être gêné d'être là où Allah ne veut pas que tu sois et d'être gêné de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que tu fasses ou de dire ce que Allah ne veut pas que tu dises. C'est-à-dire que même s'il n'y a personne, tu es gêné d'être là où tu ne dois pas être. Ou de ne pas être là où tu devrais être. Hein? Tu es gêné d'être là où tu ne devrais pas être. Et tu es gêné de ne pas être là où tu devrais être. Tu comprends? Comme par exemple quelqu'un par exemple, qui est musulman. Il s'en va dans une discothèque ou un club ou un bar ou un endroit où il y a des choses haram. Il doit se sentir gêné. Hein? Même s'il n'y a pas de musulman là-bas. Il dit en lui-même, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit, il voit qu'est-ce que je fais, il voit où je suis, il voit qu'est-ce que les gens font autour de moi. Il doit sentir de la gêne d'être à cet endroit-là parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ce genre d'endroit et il n'aime pas que lui soit là-bas. Et en même temps, tu dis, ah, subhanallah, les musulmans en ce moment sont en train de faire la salat, c'est l'heure de la salat, et moi je suis en train de m'amuser, faire autre chose. alors que eux ils adorent Allah, moi je suis pas là. Tu te sens gêné de ça, hein? C'est des exemples, ça. Et la même chose, il y a plein d'exemples comme ça. Donc ça, c'est des choses pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est l'haya al-shar'i par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une timidité qui va te pousser à faire les meilleures œuvres et qui va t'éloigner des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va t'amener également à te souvenir de la mort, hein, et de te souvenir de ce qui est après la mort comme récompense pour les bonnes œuvres, et qu'est-ce qu'il y a aussi après la mort comme dans le barzakh, c'est-à-dire dans ta tombe lorsque tu attends le jugement, et dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après le paradis et l'enfer, et ainsi de suite, et le châtiment de la tombe, et ainsi de suite. وهذا هو الاستحياء الشرعي وهو من الإيمان ولا شك. Donc ça, c'est ça la timidité, la gêne qui est en accord avec la sharia et qui fait partie de la foi, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus, ok. Et al-haya, il faut comprendre qu'à la base, la timidité, c'est pas une chose qui est apparent direct, dans le sens qu'à la base, al-haya, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. La pudeur et la timidité, ça commence dans le cœur. Et c'est quelque chose qui te pousse à faire le bien et à t'écarter du mal. Dans le sens que quand t'es timide, t'es gêné par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça te pousse à t'éloigner du mal et à faire ce que Allah aime. Tandis que si par exemple tu n'as pas ça dans le cœur, puis que tu agis seulement, tu fais juste les gestes, mais que c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des fois il y a des gens comme ça qui peuvent faire semblant, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voit qu'est-ce qui est dans le cœur, et il voit si c'est sincère, cette attitude. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحياء فقال له دعه فان الحياء من الايمان. Le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté d'un homme qui était en train d'exhorter son frère à propos de la timidité et de la pudeur et de la gêne. Donc il était en train de lui dire, il faut pas que tu sois, t'es trop timide, faut pas que tu sois timide, pourquoi t'es timide, faut pas que tu sois gêné, faut pas que tu sois gêné, et ainsi de suite. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, parce que la timidité, ça fait partie de la foi. Donc, Yanni, essaye pas de lui dire de ne pas avoir de timidité, ou de ne pas être gêné, ou des choses comme ça, hein. Et dans un autre hadith, il a dit, إِنَّ الْحَيَا كُلُّهُ خَيْرٌ. La timidité, c'est que du bon. Et pour les kuffars, eux, ils voient la timidité et la gêne comme quelque chose de mal, comme si c'est un défaut, même comme une maladie même. Certains, parmi les kuffars, ils le considèrent comme une maladie. Alors que dans l'islam, c'est un exemple de bon comportement. Quand quelqu'un, par exemple, une femme, elle est pudique, elle est timide, elle ne veut pas montrer son corps, le kuffar, il dit, « Ah, mais qu'est-ce que t'as honte ?» T'as honte de ton corps, sois fier de ton corps, montre ton corps, tu vois. Il y en a qui pensent comme ça. Et elles ne réalisent pas que c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé bien, il t'a donné des formes, des belles formes, hein, que ça veut dire qu'il te permet de les exhiber, de les montrer. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Allah il t'a créé, il t'a donné la beauté, ça veut dire qu'il faut que tu sois fier de cette beauté-là. Non! Si tu le montres à tout le monde, dans la rue, devant tout le monde, là, ça veut dire qu'en réalité, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu es ingrate envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de te couvrir et de pas justement exhiber cette parure ou cette beauté-là devant tout le monde, mais de la montrer uniquement à ceux qui sont mentionnés dans ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés parmi ceux qui ont le droit de voir cette beauté. Hein, comme c'est mentionné dans le Coran, ton mari en premier, parce que lui c'est celui qui a le droit de voir tout, et ensuite, bien ici, c'est des membres de la famille, comme par exemple le père, le frère, et ainsi de suite. Bien, eux, ils peuvent voir certaines parties, mais pas tout, hein. moins que qu'est-ce que le mari a le droit de voir. Parce que le mari, lui, c'est particulier. Donc, c'est pour dire que la femme qui est musulmane, qui est croyante, elle n'exhibe pas ses beautés, puis elle ne dit pas, comme les koufars disent, si tu es fier de ta beauté ou de ton corps, montre-le. Non. C'est pas parce que tu le caches que tu as honte, dans le sens que t'es pas fier de toi-même, dans le sens que t'es pas contente comme de la façon dont tu es. Non, tu es satisfaite de la façon dont Allah t'a créé, sauf que tu utilises ton corps et tu fais avec ton corps ce que Allah te permet de faire, et tu agis avec toi-même et avec ta personne de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de le faire, parce que tu es un serviteur ou une esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la faiblesse des hommes et il sait qu'est-ce qui plaît à l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné même dans le Coran, zuyna linnasi hubbu shahawati minan nisa. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qu'il a mentionné qui nous ont été enjolivées et embellies, la première chose qui est mentionnée dans le verset, c'est hubbu shahawati minan nisa, hein, l'amour des passions reliées aux femmes. Hein? Donc, personne ne peut le nier, ça. Que tu sois musulman ou que tu sois kafir, tu as cette attirance-là et ce désir-là pour les femmes. Hein? Mais si on ne respecte pas les limites d'Allah, on devient comme des animaux, ou même plus bas que des animaux. Hein? Et ça, c'est des choses qu'on constate maintenant avec ce qu'on voit de la part des koufars, hein, et comment ils vivent. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit wa ma'na al-hadith annahu ya'idhu akhahu fi al-haya fa huwa yuridu minhu an yakuna bighayri hadha al-wada' bihaythu yakhsha 'alayhi an yajurrahu ila al-istihya' aw an yajurrahu hadha al-istihya' ila al-hirman min hudud an-nafs aw ashya' muhimma. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير لا يجر إلا إلى خير. Donc ça, c'est qu'est-ce que le cheikh explique du hadith, que l'homme qui exhortait son frère, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit non, laisse-le, la foi, ça fait partie de la foi, la timidité, la pudeur, ça fait partie de la foi. Et dans le hadith, le cheikh il dit, il exhortait son frère, il voulait que son frère soit différent. Hein? Il ne voulait pas que son frère soit à cause de sa timidité privé de certaines choses, hein, qu'il pouvait avoir, qu'il se prive lui-même de certaines choses importantes ou de certaines choses qu'il pourrait avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a informé que la pudeur, la timidité, ça n'amène que du bien. Et regardez les koufars, yani, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent tomber, souvent lorsqu'ils veulent se permettre de faire à eux-mêmes des péchés, parce que souvent les koufars, peu importe qu'ils soient musulmans ou koufars, on a tous une conscience. Et même les koufars qui ne croient pas en Allah, et qui font le shirk, qui font d'autres crimes envers Allah, eh bien, ils ont une conscience, qu'ils le nient ou non. Ils ont une conscience, quelque chose en eux-mêmes qui leur dit, ça c'est pas correct. Eh bien, quand ils vont, par exemple, pour commettre des péchés, ils vont utiliser soit de l'alcool ou des drogues pour justement éliminer cette gêne, cette timidité qui les empêche de faire ces péchés-là ou ces actions-là ou ces paroles qui, en temps général, ils ne pourraient pas les faire. Hein? Et pourquoi ils font ça? C'est pour justement pour enlever cette timidité et cette gêne qui est parfois naturelle chez eux, même chez les koufars. Donc, c'est pour dire que cette timidité-là, elle te préserve, elle te protège. Hein? Il ne faut pas l'enlever, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de mauvais. Lorsque tu vois le musulman, par exemple, qui est timide, qui a de la pudeur, ça montre, hein, ça, c'est un signe que cette personne, elle a du respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle a du respect envers les gens. Et donc, elle ne se permet pas de faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, agir n'importe comment avec les gens. Wa arkanuhu sitta, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc le cheikh explique que ces piliers, c'est-à-dire les piliers de la foi, sont de six: que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au jour de la résurrection, hein, au jour dernier, pardon, au jour dernier, ça implique le jour de la résurrection, et en la prédestination, le bien et le mal. Ça fait six. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, en le qadar, khayrihi wa sharrihi. Ça fait six. Et c'est ça les six piliers de la foi. Et la preuve, c'est dans le verset qui est mentionné dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que la foi ne consiste pas à se tourner vers l'Orient ou l'Occident. Hein? Le verset 177. Mais la bonté ne consiste pas à tourner notre visage vers l'Orient ou vers l'Occident. Mais la bonté consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc, le cheikh explique. Ensuite, il dit أركان الإيمان ستة التي مضى معنا التعريف بكل ركن من أركانها في درس سابق. يعني on a déjà expliqué, le cheikh il a déjà expliqué ces choses-là en détail dans les points précédents. Donc il fait juste les ramener de façon globale. OK, il fait juste les rappeler de façon générale, il va pas détailler. Il dit أركان الإيمان الستة. Donc هي على سبيل الإجمال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر المؤلف على هذه الأركان الدليل, والدليل على هذه الأركان الستة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc le cheikh explique il a redit les six piliers de la foi, puis il a mentionné le verset au complet, verset 177. Donc on va juste lire en français la signification du verset 177 dans Surat al-Baqarah. Donc le cheikh il a cité ce verset qui signifie: la bonté pieuse, c'est-à-dire al-birr, ne consiste pas à tourner le visage vers le levant ou le couchant, l'Orient ou l'Occident. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner son bien, quel qu'amour on en ait, c'est-à-dire de donner son bien, peu importe comme l'amour qu'on a pour ces biens-là, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents, et à ceux qui demandent l'aide. Et pour délier les jougs, c'est-à-dire lorsqu'il y a des esclaves, pour les libérer, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils sont engagés. C'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie de la bonté. Ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, et quand le combat fait rage, wahin al-ba'as. Hein? Voilà les véridiques, et voilà les vrais pieux. Donc c'est ça la foi, c'est ça la définition de la foi, et toutes ces choses-là font partie de la foi. Le cheikh il explique maintenant, il dit les descriptions qui sont mentionnées dans ce verset-là. Il dit premièrement, yani faqad wasaf Allah ahl al-iman wal birr wat taqwa fi hadhihi al-ayat al-azima bi thamani sifat allati hiya. Donc il y a 8 caractéristiques de celui qui a la foi qui sont mentionnées dans ce verset. Le premier c'est al-iman. Alladhi yashmalu al-iman biwujudihi wal-iman birububiyyatihi wal-iman biuluhiyyatihi wal-iman biasma'ihi wa sifatihi. Donc le premier c'est al-iman billah, croire en Allah, première caractéristique. Et ça, ça comprend bien entendu de croire en son existence, de croire en sa souveraineté ou sa seigneurie, de croire en son adoration, du fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, de croire en ses noms et en ses attributs. Ouais, les trois catégories de tawhid, exactement. Deuxièmement, la foi en le jour dernier. Wa huwa al-iman bi yawm al-qiyamah, wa huwa yawm al-qiyamah alladhi la yawma ba'dahu. Wa ma yakunu fihi mimma dhakarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc deuxièmement, la foi en le jour dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Le jour après lequel il n'y aura plus de jour. C'est-à-dire c'est le dernier jour. Et il va se passer dans ce jour-là ce que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont mentionné. Le troisième caractéristique, c'est la foi en les anges. Wa huwa 'alimun ghaibi khalaqahum Allah min nur wa jabalahum 'ala ta'atihi kama sabaqa bayan dhalik. Donc la foi en les anges, c'est yani de croire que c'est un monde invisible que Allah a créé à partir de lumière et qu'il a créé sur l'obéissance, sur son obéissance. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, les anges, ils ne peuvent que obéir à Allah. Le quatrième point, al-iman bil kutub wal murad bihi al kutub al munazzala min Allahi ala rasul al mursala. C'est-à-dire la foi en les livres qui ont été révélés sur, de la part d'Allah sur les messagers qui ont été envoyés. Le point numéro 5, al-iman bi jami' al-anbiya wal-rusul, de croire en tous les messagers et tous les prophètes et les messagers. Wa dhukirat lana asma'uhum, man dhukirat lana asma'uhum wa man lam tuzkar, c'est-à-dire de croire en ceux qui ont été mentionnés, ceux dont le nom a été mentionné et ceux dont le nom n'a pas été mentionné. 6, badhlu an-nafaqat al-wajibah wal-mustahabba li mustahiqiha raja'a thawab sawab Allah, c'est-à-dire de dépenser de nos biens dans les dépenses qui sont obligatoires pour nous ou recommandées et pour ceux qui méritent cet argent-là, c'est-à-dire ceux qui sont les gens qui méritent qu'on leur donne cet argent-là, dans le sens que ceux à qui Allah nous demande de donner de cet argent, comme de dépenser de nos biens pour il y en a des dépenses qui sont obligatoires parce que c'est des gens sur qui Allah a mis un droit sur nous, comme par exemple de dépenser sur notre famille si on a une femme, des enfants, ça c'est une obligation. Aussi si nos parents ont besoin de notre argent parce qu'ils sont pauvres, ou des membres de notre famille comme des frères, des sœurs, des proches, eh bien c'est une obligation de dépenser de nos biens pour eux. Donc ça rentre dans les obligations. Puis il y a des dépenses qui ne sont pas obligatoires mais qui sont quand même recommandées. Donc tu vas donner pour les pauvres, les musulmans en général et ainsi de suite. Donc ça rentre dans qu'est-ce qui est recommandé. Et tu donnes à ceux qui le méritent, c'est-à-dire qui ont ce droit-là et qui méritent de recevoir cet argent-là de ta part par rapport à ce que Allah a mentionné. Et ça c'est dans le but d'avoir la récompense d'Allah. الوفاء بالعهود والعقود المبرمة بين الناس المتفقة مع الشرع الكريم. Donc la septième caractéristique, c'est le fait de respecter nos engagements et nos contrats, les contrats qui sont pris entre les gens qui sont en accord avec la révélation et la religion. Donc ça fait partie des caractéristiques aussi de la foi. Puis le dernier, c'est as-sabr bi jami' anwa'ihi. Donc le fait d'être patient et endurant, et dans toutes les différentes formes de patience et d'endurance, et dans le but d'obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil al-qadar wa huwa qawluhu 'azza wa jalla inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Donc le cheikh, il mentionne comme la preuve du qadar, de la prédestination, le verset 49 dans surat Al-Qamar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, toutes choses, nous les avons créées dans une juste mesure. » dans ça rentre en fait dans la foi à la prédestination, mais étant donné que dans le verset 177 dans Sourate Al-Baqarah, il y a la mention des cinq premiers piliers de la foi, mais il n'y a pas la mention de la foi en la prédestination. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab? Il a mentionné une autre preuve, un autre verset qui mentionne la foi en le qadar séparément. Non, ben, on peut dire que c'est le neuvième, mais en fait, parce que dans les huit points qu'on a mentionnés, c'est les huit points qui se trouvent dans le verset 177. Donc c'est comme s'il a énuméré les différents points qui sont mentionnés dans le verset 177 dans Sourate Al-Baqarah. Maintenant, ce point-là ne fait pas partie de qu'est-ce qui est mentionné dans le verset. C'est pour ça qu'il l'a séparé, qu'il l'a mentionné séparément. Tu comprends? Donc, ça, c'est par rapport à Al-Qadar. Maintenant, on a fini avec Al-Iman. Donc, on rentre maintenant dans le troisième degré de la religion, qui est Al-Ihsan. OK? Et là, le cheikh, il va vraiment élaborer beaucoup sur Al-Ihsan d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Je pense que vous n'avez jamais entendu un détail aussi élaboré sur Al-Ihsan que celui que vous allez entendre dans ce char. Non. Ensuite, il y a un seul pilier, mais vous allez voir que c'est si on l'applique à toute chose, si on l'applique à plusieurs points dans la religion, Al-Ihsan, c'est un des degrés les plus importants de la religion. Et le cheikh, il commence à parler de ça à la page 158, et il termine d'en parler à la page 175. Donc c'est ça, ça ne va pas être un dars. Oui, on peut commencer. On peut en commencer, mais ça peut être comme facilement quatre cours là, juste sur Al-Ihsan. Donc c'est très intéressant parce que de toute façon c'est un sujet qui est très important. Puisque souvent vous allez entendre des gens qui font partie des gens de bid'a comme les soufiyins, qui essaient de dire aux gens ou de faire croire aux gens que Al-Ihsan, c'est que le soufisme c'est Al-Ihsan. Hein? Ils essaient de faire croire ça aux gens, que l'ihsan, ils le traduisent parfois par la spiritualité ou d'autres termes de ce genre, puis ils font croire aux gens que c'est ça le soufisme. Alors que le soufisme c'est une bid'a, puis l'ihsan ça fait partie de l'islam. Donc si ça fait partie de l'islam, il faut que ce soit dans le Coran et dans la Sunna, et dans l'exemple des salafs. Si c'est pas dans le Coran et dans la Sunna et dans l'exemple des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, ça fait pas partie de l'islam. Et le terme soufi ou le soufisme ou le tasawwuf, ça implique des aspects qui font partie peut-être de l'islam, oui, mais mélangés avec toutes sortes de choses qui sont parfois kouf, parfois shirk, akbar, parfois shirk asghar, ou parfois même des bid'ah et des égarements. Donc tout ça mélangé ensemble. Et lorsque quelque chose, une idée ou un terme implique des choses vraies et fausses en même temps, le mieux c'est de s'écarter de ce terme complètement, surtout s'il n'est pas dans la révélation. C'est-à-dire ce terme on ne le retrouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, donc on n'a pas besoin. Et tout ce qui est dans l'islam nous suffit. Et on n'a pas besoin de rajouter rien à l'islam pour le compléter. Donc, si dans le tasawwuf, dans le soufisme, il y a quelque chose de plus que qu'est-ce qui est dans l'islam, ça veut dire que ça ne fait pas partie de l'islam et qu'on n'en a pas de besoin. C'est ça que ça veut dire. Donc, déjà en partant, ça clarifie déjà beaucoup de choses. Donc, le cheikh explique, il dit « Al-martabatu thalitha al-ihsan » ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est-à-dire que le troisième degré de la religion c'est Al-Ihsan, et c'est un seul pilier, et c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, eh bien lui il te voit. Hein? Non. Ok, la meilleure traduction, on peut dire par exemple, parce que d'après le sens de l'ihsan, on pourrait dire l'excellence de la foi. L'excellence de la foi. Mais sinon, on peut le traduire aussi par la bienfaisance. Mais ça ne donne pas le vrai sens. Parce que l'ihsan, ça veut dire le fait de faire preuve de bonté, de bien faire les choses. Donc tu fais ta salat avec ihsan, ça veut dire tu l'as fait, ta salat, mais en restant toujours dans yani la conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu l'adores, comme si tu le voyais devant toi. Mais si tu n'arrives pas à ça, mais tu restes conscient qu'il te voit lui, donc tu ne vas pas faire ton adoration avec insouciance ou avec négligence ou avec paresse. Non, tu vas la faire avec conscience, avec présence de cœur, avec attention, avec crainte, avec amour, avec espoir, avec hein. Tu vas faire une prière vraiment avec beaucoup de concentration. Donc c'est avec ihsan, c'est dans ce sens-là, de la meilleure manière, de la façon la plus parfaite. Donc on peut dire le perfectionnement de la foi ou de la religion. Le cheikh il l'explique de toute façon. Il dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. مضى معنا في الدروس السابقة الكلام على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب الدين وعرفنا أن المراد بالمرتبة الأولى الإسلام بجميع أركانه الخمسة والمراد بالمرتبة الثانية الإيمان بجميع أركانه الستة وهذه المرتبة الثالثة هي الإحسان بها تكتمل مراتب الدين إذ هي الإسلام وإيمان وإحسان كما علمت وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركانها وقد مضى الحديث على أركان الإسلام وأركان الإيمان بشيء من التفصيل فلا نعيد ذلك. موضوع درسنا المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. ومعنى الإحسان هو فعل ما كان حسنا شرعا وعقلا لأنه ضد الإساءة. وقد أحب الله الإحسان والمحسنين وكره الإساءة في شأن الدنيا والدين وكره المسيئين لأن الإحسان خير وفاعله فاعل خير والإساءة شر يفضي بصاحبه إلى سوء العاقبة وشر المنقلب. Donc le cheikh explique, il dit que bon, on vient de terminer dans les cours précédents le premier et le deuxième degré. Le premier c'est l'islam et le deuxième c'est l'iman. Le premier, l'islam avec cinq piliers et l'iman avec six piliers. Maintenant on rentre dans le troisième degré de la religion qui est l'ihsan. Et c'est comme ça, c'est avec l'ihsan que se complètent les degrés de la religion. Et les degrés comme on l'a dit c'est l'islam, l'iman et l'ihsan, comme tu sais. Et chacun de ces piliers-là, chacun de ces degrés ont des piliers. On les a vus avec le hadith de Jibril en détail. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de ces piliers-là. On rentre avec Al-Ihsan maintenant. Al-Ihsan, il dit, le cheikh, que ça signifie le fait de faire qu'est-ce qui est bien dans la charia et dans la raison. C'est-à-dire de faire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est considéré comme étant bien dans la religion, dans la révélation et dans la raison aussi, dans qu'est-ce qui est rationnellement bon. Parce que le contraire de al-ihsan, c'est al-isa'a, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sayyi, qu'est-ce qui est mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la bonté, et il aime les gens de bien, les gens qui font le bien. Et il déteste le mal dans les affaires de la dunya et dans les affaires de la religion. Et il déteste les gens qui font le mal. Et donc, al-ihsan, c'est bien. Et celui qui le fait, il fait du bien. Et le mal, c'est al-isa'a. Le contraire, c'est al-isa'a. Al-isa'a. Isa'a. Isa'a. Et ça, c'est mal. Al-isa'a, c'est mal. Et ça ramène à celui qui fait le mal à une conclusion et une destination qui est mauvaise. Le cheikh dit ensuite والإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عاما شاملا كاملا بقوله في حديث جبريل عليه السلام المشهور والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا في جملتين قصيرتين كم وكم تحت هاتين الجملتين من معان. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une explication globale et générale de Al-Ihsan dans le hadith de Jibril, lorsqu'il a dit que Al-Ihsan c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, donc lui il te voit. Et donc c'est ainsi que par ces deux phrases courtes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une définition qui est remplie de signification. Qui est en dessous de ces deux phrases courtes, il y a de très grandes significations. Le cheikh il dit wa ghayr anna al-ihsan lahu maqaman ahaduha arfa'u min al-akhar. Al-ihsan il a deux, comment je pourrais dire, deux statuts, et il y en a un des deux statuts qui est plus élevé que l'autre. Pas une statue, un statut. On parle d'un statut, une station, deux stations. Ok? Elle a deux stations, l'Ihsan. Et il y en a une station qui est plus élevée que l'autre. C'est-à-dire un maqam. Donc il y a deux maqams. Mais il y en a un qui est plus élevé que l'autre. Donc le shaykh il dit, « Al maqam al-a'la huwa ibadatul abd rabbahu ka'annahu yushahiduhu. » وهذا مقام رفيع تشتاق النفوس فيه إلى خالقها وبارئها الذي كلفها بعبادته ووعدها على العبادة أتم الجزاء وأوفاه في دار الكرامة التي كتب الله لها ولأهلها البقاء الدائم السرمدي فهي من الغايات والوصول إليها من مطالب النفوس المطمئنة لأن العبد سينال فيها أعلى أنواع النعيم وما في نعيمها دنيء دنيء يعني وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم والرضا الدائم من الرب الرحيم ثم ما ذكر الله فيها من مآكل ومشارب ومناكح ومراكب وملك كبير وملك كبير وعيشة راضية إلى غير ذلك مما لم تسمع به الأذن ولم يخطر على قلب بشر. سبحان الله. Donc le cheikh il dit le plus haut, la première station qui est la plus élevée, c'est que le serviteur, c'est que le serviteur il adore son Seigneur comme si il était devant lui, comme s'il le voyait devant lui avec ses yeux. Et le cheikh il dit que ça c'est un degré très élevé dans lequel les âmes des serviteurs ont envie de leur Seigneur, ils veulent leur tashtaq, quand tu dis tashtaq ila shay, c'est-à-dire t'as un envie, t'as un besoin, t'as hâte, ils ont hâte de rencontrer leur créateur qui leur a donné à faire ces adorations là et qui leur a promis, lorsqu'ils ont accompli ces adorations là de la manière la plus complète, la plus parfaite des récompenses dans la demeure de la générosité de notre Seigneur, c'est-à-dire le paradis que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour les gens qui accomplissent cette adoration-là de manière constante et continuelle. Et donc c'est le plus haut, la plus haute des objectifs, le plus haut des buts vers lequel le croyant essaie d'arriver. Et ça fait partie des objectifs des âmes qui ont été comme on dit, des âmes qui sont en paix et qui sont sereines, comme dans le verset ya ayyatuha nafsul mutma'inna, il y a des âmes qui est décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant l'âme qui est mutma'inna. C'est dans surat al-Fajr. Dans surat al-Fajr, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle cette âme. Oh, toi, l'âme qui est sereine, qui est en paix, retourne à ton Seigneur satisfaite. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati, c'est-à-dire rentre dans mon serviteur et rentre dans mon paradis. Donc juste pour vous expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit cette âme, c'est l'âme qui est apaisée, mutma'inna. Elle a l'itmi'nan, tuma'nina. Donc elle est apaisée, cette âme. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Donc ça, c'est l'âme apaisée. Donc le cheikh, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, ça c'est la récompense, c'est le plus haut objectif des âmes apaisées. Parce que le serviteur, il va obtenir dans ce paradis-là toutes les différentes formes de délices qu'il peut imaginer. Le plus haut, le plus grand de tous les délices qu'il va trouver dans le paradis, c'est quoi? C'est de voir le visage de son Seigneur. Donc il va voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le plus grand des plaisirs dans le paradis. Comparativement aux femmes, au plaisir, à la nourriture et à tout le reste de ce qui est dans le paradis, il n'y a pas un plaisir dans le paradis qui sera plus grand que de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans plusieurs versets dans le Coran. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. C'est-à-dire, ce jour-là, ils auront le visage éclatant de lumière. Ils regarderont leur Seigneur. Ça c'est un exemple. Et puis il y a aussi des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ. C'est-à-dire ceux qui ont fait preuve d'ihsan, ils auront al-husna wa-ziyada. C'est-à-dire al-husna, c'est le paradis. Wa-ziyada est quelque chose de plus. Les ulama ont dit le plus, c'est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladhina ahsanu al-husna. On va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, on va le voir. Et s'il nous a dit qu'on va le voir, ça veut dire qu'on va le voir. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même par rapport au jugement dernier, que vous allez le voir comme on voit la lune lors d'une pleine lune, où il n'y a pas de nuages. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim aussi. Donc, tous les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Allah est, on ne veut pas savoir. Et on n'a pas le droit d'essayer même de savoir. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas t'inquiéter avec le comment. Le comment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de savoir ça et d'y croire. Et en ce qui concerne le comment, on ne s'en occupe pas. Parce que ça, c'est du monde de l'invisible. Et on ne peut pas imaginer ces choses-là. On ne peut pas l'imaginer parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné tous les détails de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est par rapport à qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on sait, c'est ce qui est révélé. Mais qu'est-ce qui est au-delà de ce qui est révélé, de ce qui est mentionné dans les textes? Qu'est-ce qu'on rentre dans la question du comment? Ça, il faut s'arrêter à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a des choses. Notre cerveau humain, là, il est trop petit encore pour comprendre ça. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il dépasse. Et ça, ça rentre dans les choses qui font partie de ce qu'on ne peut pas comprendre. Dans le sens qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut être convaincu de ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de le regarder, son visage. Il va nous permettre de le voir. Et ça, c'est la récompense la plus grande de ceux qui sont dans le paradis. Après, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « wa rida ad-da'im », c'est-à-dire la satisfaction éternelle de la part du Seigneur miséricordieux. Puis ensuite, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le paradis comme nourriture, comme boisson, et comme femme, et comme monture, et comme royaume, et possession que nous allons avoir, et comme vie agréable que nous allons vivre, et également des choses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que nos oreilles n'ont jamais entendues, et que nul cœur n'a jamais été capable d'imaginer. Nul cœur d'être humain n'a jamais été capable d'imaginer. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى اسْتِحْضَارِ قُرْبِهِ مِنْهُ وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم والخوف والرجاء. Donc celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec cette présence, du fait qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est près de lui et qu'il est devant lui, et qu'il le voit, et ça lui amène de la crainte, de la peur, du respect, de l'exaltation, de l'estime et de l'espoir. Amma al-maqam al-thani, en ce qui concerne la deuxième station, fahuwa ibadatu al-abd rabbahu khawfan minhu. C'est-à-dire, la deuxième station, c'est le serviteur qui adore son Seigneur par peur de lui. Wa wajalan wa haraban min alimi azabihi. Et également, par peur et par en fuyant son dur châtiment, wa tam'an fi nayli thawabihi, et en espérant et en souhaitant d'obtenir sa récompense comme Allah nous l'a ordonné. Wa dhalika fi qawlihi fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, il nous a dit, alors fuyez vers Allah, fuyez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur clair. Le cheikh dit wal firar min Allah ilayhi wahdahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on fuit de son châtiment vers lui. C'est pour ça que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des croyants qui se sont repentis à lui, ils ont dit qu'ils ont su que la malja min Allah illa ilayh. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'endroit où tu peux aller te réfugier. La malja min Allah, il n'y a pas d'endroit où tu peux aller te réfugier d'Allah, excepté vers lui. Non. Donc c'est pour ça, tu te fuis d'Allah, tu te fuis d'Allah vers Allah. En voulant dire, tu te fuis du châtiment d'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le verset 50, dans surat al-Zariyat. Fafirru ila Allah, fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah. Mais de quoi vous fuyez? Vous fuyez du châtiment d'Allah. Mais vers lui que tu te fuis, pour chercher refuge dans son obéissance et dans ce qu'il t'ordonne de faire. Donc tu te tournes, il n'y a pas de fuite, tu ne peux pas fuir d'Allah excepté vers lui. Et c'est en faisant ce qu'il t'ordonne de faire et en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Et de faire le bien et d'abandonner le mal. Et هذا المقام أن يعبد ربه خوفا منه ووجلا وهو مستيقن ومطمئن بأن الله يراه يراه في عبادته ويراه إن ارتكب معصية ويراه إن قصر في طاعته فإذا استشعر العبد أيضا هذا المقام فإنه يكون له خير خير حافز على الإخلاص لله تعالى وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول وأما في أي شيء يكون فإنه يكون في العبادة بفعل الأوامر وترك النواهي وكما يكون في العقيدة وكما يكون في الشعائر التعبدية كالأعمال الظاهرة جميعها من الصلاة والزكاة والصوم وحج وجهاد ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل للنصيحة ودلالة على الخير إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان بالدرجة الأولى معرفة الله الكريم الرحمن بذاته وأسمائه وصفاته ويكون في الدعوة ويكون في الإحسان في باب الولاء والبراء أن يحب أن يوالي ومن يجب أن يعادي على ضوء الكتاب والسنة بميزان الشرع الشريف مجانبين ومتعبدين عن مجانبين ومبتعدين عن الهوى الذي ينحرف بصاحبه عن الخط المستقيم والطريق القويم نعم Donc on va terminer avec ça. Le point que le cheikh mentionne pour terminer, c'est que cette station-là, c'est la station dans laquelle le serviteur adore son Seigneur par crainte et en étant convaincu et en étant apaisé que Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Il le voit dans son adoration, il le voit s'il commet son péché, il le voit lorsqu'il a des manquements dans son obéissance. Et lorsqu'il sent cela, فَإِذَا اسْتَشْعَرَ الْعَبْدُ أَيْضًا هَذَا الْمَقَامُ Donc, quand le serviteur, même dans ce degré-là, dans cette station-là, il arrive à avoir ce sentiment-là, et ce degré-là, eh bien, ça c'est une des choses qui pousse le plus le serviteur parmi les exemples de qu'est-ce qui amène le serviteur à la sincérité envers Allah. Et c'est un des moyens qui l'amène donc à atteindre la première station. Donc il part de cette station-là, et s'il continue, il va arriver jusqu'à la première station qu'on a mentionnée tantôt, comme si celui qui adore Allah, comme si lui il le voyait, et non pas comme si Allah le voit. Donc c'est deux stations différentes. Et ensuite le cheikh il dit, mais c'est dans quoi l'ihsan ? Dans quoi on doit faire preuve d'ihsan dans la religion? Quel aspect de l'islam demande de notre part qu'on soit muhsin, qu'on ait de l'ihsan dedans? Eh bien, le cheikh, il dit, ça doit être dans l'adoration, dans toutes les adorations qu'on fait, en faisant ce que Allah nous ordonne et en s'abstenant de ce qu'il nous interdit. Donc, il dit, ça doit être également dans la aqidah et dans les différents rites d'adoration qu'on fait parmi les actions apparentes, sans exception. Comme par exemple la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, le jihad, la da'wah, lorsque tu appelles à Allah, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de donner la nasiha, d'indiquer aux gens le bien, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont parmi les différentes sortes de bonté et d'ihsan. Et au premier degré, bien entendu, en premier lieu, le fait de connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Tout ça, dans toutes ces choses-là, tu dois faire preuve de ihsan. Puis également, tu dois faire preuve de ihsan dans le manhaj de la da'wah. Tu dois faire preuve de ihsan également dans la question de al-wala wal-bara. Qui est obligatoire pour toi d'aimer? Qui est-ce qui est obligatoire pour toi de détester? À la lumière du Coran et de la Sunna. Et selon la balance, de la révélation de la noble révélation, en t'écartant et en restant loin de la passion qui peut parfois faire tomber ou dévier celui qui fait preuve de passion du droit chemin et le faire sortir de la voie droite. Donc ça, c'est les choses dans lesquelles tu dois faire preuve de ihsan. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, le cheikh? Il va donner chaque exemple, des explications de chaque exemple de ce qu'il a mentionné. Par exemple, l'ihsan, c'est quoi l'ihsan dans l'aqidah, hein? Donc il va donner des exemples d'ihsan dans l'aqidah, hein? Et il va donner des exemples détaillés là-dessus par rapport à Allah, par rapport à at-tawhid. Ensuite, parmi les exemples de ihsan, dans les différentes formes de tawhid, il va donner des exemples dans chacune. Après, ihsan dans la salat, il va donner des exemples. Il va donner ensuite des exemples de ihsan aussi dans al-wala wal-bara. Hein? Et là, il va même rentrer dans le manhaj. Donc, il va clarifier des détails là-dessus. Donc, tout ça, c'est pour faire comprendre la réalité de l'ihsan et tout ce que ça implique. Et pour comprendre en même temps qu'il n'y a rien dans l'ihsan qui sort des limites de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans les enseignements de l'islam. C'est pas comme les soufis imaginent qu'il y a une connaissance secrète ou une connaissance qui est en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna que seuls les awliya peuvent connaître ou les initiés peuvent connaître parmi les soufis. Non, tout ce qu'on a besoin de connaître dans le Coran, dans la Sunna, il est dans le Coran, dans la Sunna. Ce livre là c'est Tariq al-Usul ila idah thalathat al-Usul. Non, il n'est pas traduit encore en français ce livre, mais c'est le charh de al-Usul al-Thalatha écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais le charh, c'est le charh de Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Et les commentaires et la vérification et les commentaires ont été faits par l'élève du Cheikh Fawaz ibn Ali al-Madkhali. C'est un des élèves du Cheikh. Hafizahullah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.